Yeah, Casus Belli, pour empathique, un corrupt records, rack, écoute, c'est comme ça qu'on rappe. Indépendant est mon parcours, j'ai toujours été à part. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des radars. N'y vois rien de personnel, chacun veut croquer sa part. Entouré de chiens, fils de chienne et de bâtards. J'ai débarqué en banlieue, de ma campagne le ciment à remplacer la verdure, mais je m'habitue facilement. Je fais ma place en silence, apprends de nouveaux mots. Mes voisins de classe s'appellent Hicham, Gaël et Momo. Ma cour d'école est belle, je vois des têtes de toutes les couleurs. Passons quatrième sans avoir eu trop de douleurs. Je commence à connaître la ville, ses différents secteurs. Les usés, brontés, ont vu mes premiers pas de basketteur. Fait du sport, on kiffe, on est jeune et ambitieux. On connaît pas la vie, les grands et leur cercle vicieux. On délira au champ, premier vol en dehors du champ de la caméra. Certains après diront du champ. Bagarre entre collèges, qui plus grands sont des collègues de fumette. Partageant le shit dans la pommette. On chiffre vite que tout n'est pas si facile ici. Donc face à ça, certains choisiront l'illicite. On a tous un talent, trop de nous l'ont gâché. Trop de nous ont lâché les études pour vendre le sachet. J'sais pas si tu sais, mais le bis n'est pas une routine, pas une broutille. Tu goûteras vite à la chevrotine de connards en tout genre, accro à la vie de sonard qui pour 100 dollars sont prêts à devenir dollars. Penser à demain en tempérant ses actes, prendre le bon chemin, celui où y'a pas de cul de sac. J'te jacte ça parce que ça fait pas si longtemps que ça. J'croyais qu'en France l'égalité était importante dans nos quartiers populaires, mais ce n'est pas le cas. Les gars galèrent et la mission locale ne fait pas le poids. Sarah a vite vu qu'elle n'était pas une princesse dans les dessins animés. Y'avait même pas un zeste de vérité sur ce monde et toutes ses bassesses. Au lieu de prendre soin de nous, l'État pratique une inceste. On ne cesse de parler pour qu'un dire se charrier. On en vient à maudire la rue à laquelle on est marié. Pris dans une spirale, violence estivale. Quand les esprits s'échauffent trop, ça devient le festival gros. J'ai la dalle, les crocs, j'évite de parler trop. Donne-moi un micro que je kick ça comme il le faut. Parce que l'info qu'ils nous donnent n'est pas belle à voir. La vérité qui sort de leur bouche n'est pas celle à croire. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Nico Mouk, hein. Tu veux comprendre l'humain, commence par lire un bouquin. Nos vies sont fades parce qu'on rêve de leurs paillettes. Et que les cahiers d'école ne ramèneront pas le Cayenne. Petit frère le sait, donc il va laisser de côté les courses lancées. Dans l'illégal c'est lancé, ça a l'air d'orquin. Donc vas-y fais le grand écart. Direction la rate sans passer par la case départ. Débarre et débarre, on veut tous amasser. Départ de leur gâteau, on en aura jamais assez. Ils attendent qu'on se tue, qu'on se nique entre nous. Qu'on se prostitue pour de la thune, qu'on se mette à genoux. Chez nous y'a pas de demi, mesure peu on les pattes blanches. Elle est loin l'époque où les dealers ne fourguaient pas de blanche. La trêve qu'on veut, on l'aura pas cette année. En tout cas on en rêve grâce au despé du Pakistanais. Fané par la vie, les embrouilles, les problèmes là. Plupart partent en couille, dérive vers Oussama Ben là. Den à la traîne, on peine tant qu'on baigne là. Dans son concerné, pas comme dans ce système là. Las, j'parle aux miens, hélas trop près du mitard. M'adresse aux tiens, ceux-là même qui sont très cas. Ce n'est qu'un soutien pour ceux derrière les barreaux. Les anciens qui ont voulu placer la barre. Autant rôdant en bas des barres, rôder ou dans une bague au bébar. Faire le clébar, se faire rattraper par la justice, tous sont passés. Dis-moi où sont passés tes potos frelo. Aucun d'eux ne t'a fait passer. Demande à cash ou lettre, pas à ta gage. Pense à dehors pendant que ton voisin skie sur ta patte ta cache. Ou une petite zoulette, comme dans ces clips qu'on voit. Après ça parle d'équipe, de monter braquer un convoi. On a tous le choix, mais les trajectoires sont bizarres. Partir de vos enveloppes pour fourguer à Ibiza. Au gros port de la mer, tant qu'il y a la baraka, ça met du bail à plat pour la baraka. Malaga, on veut mettre bien la famille, mais famille ni l'IA. Esprit enfumé à cause de la scène, c'est Milia. Ça revoit des poteaux de l'époque, wesh la baisse. Ça refait le monde assis sur un banc dans la tête.